Alors, merci Valentin d'avoir pris le temps pour moi. Et je vais juste commencer avec la première question qui est comment tu as trouvé la décision de devenir un cycliste? Alors, dans un premier temps, quand j'étais plus jeune, j'ai d'abord commencé par faire du hockey sur glace. Après, j'ai fait du hockey sur glace et du foot en même temps. Et un jour, j'ai vu arriver le Tour de Suisse à Verbier. Et je me suis dit, ce sport, il m'intéresse beaucoup. Parce que dans un sport d'équipe, tu as besoin des coéquipiers pour gagner. Et dans le vélo, tu as aussi besoin, mais c'est beaucoup toi qui fais la différence. Et c'est vrai que j'ai voulu essayer de faire du vélo. Et du coup, j'ai dû arrêter le foot. Et après, j'ai continué du hockey sur glace et du vélo. Et puis, vers 16 ans, quand je commençais à pouvoir être dans l'équipe suisse en vélo, j'ai arrêté le hockey pour vraiment m'entraîner comme il faut. Donc tu étais déjà non, assez jeune encore quand tu as pris la décision à Oui, 16 ans. quand même. Mais Après, ouais, c'est dès que ça a commencé à avoir des sélections pour l'équipe suisse romande ou l'équipe suisse. Pour moi, c'est devenu plus important que le hockey où j'avais l'impression que je pourrais jamais devenir professionnel. Ok. Est-ce que c'est plus difficile de devenir un professionnel dans le cyclisme ou dans des autres domaines de sport? Parce que je ne sais pas comment devient vraiment un cycliste en Suisse, parce que je sais seulement que j'ai un ami qui travaille dans ce domaine, mais il était mécanicien, il n'était pas vraiment un sportif professionnel. Alors, en fait, le système du vélo, c'est quand tu es chez les jeunes, tu fais les courses un peu dans ton pays, quand tu es junior. Et après, si tu veux faire des courses à l'étranger, il faut que tu sois sélectionné en équipe suisse ou en équipe suisse romande pour faire des courses à l'étranger. Ok. Par exemple, championnat d'Europe ou championnat du monde. Après, quand on arrive dans la catégorie moins de 23 ans, là, il y a déjà des équipes qui sont très international. Pour moi, j'ai été engagé chez BMC Développement, qui est l'équipe jeune de la grande équipe BMC. Alors là, déjà, je me suis retrouvé dans l'équipe avec des Américains, des Belges, etc. Et je faisais pratiquement que les courses à l'étranger, les courses les plus importantes pour les jeunes de moins de 23 ans. Et après, pour devenir professionnel, il faut qu'une équipe qui est dans les deux premières divisions mondiales se disent on veut engager ce coureur-là. Et après, quand tu as un contrat dans une équipe professionnelle, c'est là que tu deviens professionnel et que tu peux faire les courses professionnelles. En fait, j'ai entendu dire que tu es un champion de cyclisme de la montagne. Je ne sais pas comment on dit en français. Oui, c'est juste. Championnat suisse de la montagne Ah, pour les grimpeurs, oui. les bergeurs. Et pour moi, c'est clair que c'est le domaine où je dois vraiment m'entraîner et être le plus fort là, c'est les courses que je peux gagner quand il y a beaucoup de montagnes, parce que j'ai un corps de grimpeur. Je suis petit, je suis léger, et quand ça monte, c'est mieux qui est léger. Oui. Par contre, aux plages, pour moi, c'est très très dur, parce que c'est souvent des coureurs qui sont un peu plus costauds, un peu plus forts Plus au lourd. niveau de la puissance. Et voilà. Et je suppose que c'est aussi plus facile pour toi parce que tu es grandi dans la montagne, ou pas? Ah oui, ouais. Mais Alors, ouais, ça, c'est une chance que j'ai. J'habite vraiment dans les montagnes en Valais. Alors, ça, c'est très très bien pour pouvoir s'entraîner. C'est vrai que ça s'entraîne aussi, hein, faire des montées qui durent 30-45 minutes. Pas tout le monde peut avoir ça à côté de la maison pour s'entraîner. Et c'est vrai que ça aide. Après, dans le cyclisme, on peut s'entraîner et modifier un petit peu, mais c'est vraiment la morphologie. Comment ton corps est fait. Si tu es grand, généralement, tu es fort au plat. Et si tu es petit et maigre, comment c'est. Léger, tu es surtout léger, j'ai entendu dire. Tu as déjà dit que aussi l'hockey t'intéressait beaucoup. Pourquoi n'es-tu pas te focaliser sur l'hockey? Tu l'as déjà dit un peu. Alors, pour moi, je suis quelqu'un qui aime le sport. que ça soit le foot, le hockey, même le basket, je regarde les résultats dans le journal. Alors je pense que j'aurais pu être professionnel dans n'importe quel sport, si le sport me correspondait. Mais le problème du hockey pour moi, c'est que j'étais trop petit, assez fort physiquement. Alors dans les catégories des jeunes, ça allait parce que techniquement, je pouvais m'en sortir et marquer des goals. Mais c'est vrai que du fait de ce gabarit, j'ai pas été pris par exemple, dans une équipe Genève Servette ou Fribourg chez les jeunes. Et pour moi, j'avais l'impression de jamais pouvoir devenir professionnel dans le hockey. Et dans le vélo, j'avais l'impression que je pouvais le devenir. Alors, naturellement, pour moi qui est quelqu'un d'ambitieux, c'est logique de choisir le vélo plutôt que le hockey. Oui, donc tu ne te vois pas du tout dans un autre domaine, avec un autre travail, ou qu'est-ce que tu feras quand tu ne peux pas plus faire le sport? Alors, ça, c'est une. Bonne question. C'est une très bonne question. C'est quelque chose qui est dur dans le sens que pour moi, j'ai toujours été dans le sport et quand j'étais à l'école, chez les jeunes, ce qui était important pour moi, c'était l'entraînement le soir et pas l'école. Alors, j'avais quand même de la chance parce que j'avais des bonnes notes à l'école et ça allait bien, mais j'ai jamais eu un métier où je me suis dit, je veux faire ça. Je fais pas du sport, je veux faire ça. J'ai jamais trouvé, j'ai jamais eu l'idée. Et chez moi, j'habite dans une vallée, et puis il y a Verbier, Verbier, c'est une station de ski qui est vraiment grande, où il y a beaucoup de métiers pour la construction des maisons. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de manuel. C'est-à-dire qu'avec mes mains, je suis nul. Alors, tous les métiers qui sont avec les mains, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas faire ça. Donc, beaucoup de métiers qui sont dans ma région, je veux pas faire. Alors, après, voilà, moi, j'ai fini l'école obligatoire. J'ai fait une école de maturité commerciale parce que je pouvais faire le sport en même temps. J'avais l'école le matin, le sport l'après-midi, et l'école, ça ne me gênait pas plus que ça. Mais c'est vrai que après, j'ai fait une année en entreprise pour la maturité, rendre un travail pratique à la fin de l'année en entreprise. Et j'étais dans un bureau et je me suis dit à la fin du stage, Non, quand pas du j'arrête le tout. vélo, je veux pas faire ça. Alors c'est vrai que c'est difficile de m'imaginer en dehors du sport et ça me fait presque un peu peur parce que là c'est difficile dans le sens que en 2017 je n'ai plus de contrat professionnel et je peux pas faire ça toute ma vie. Il faut vraiment que je redevienne professionnel avec un vrai salaire pour pouvoir continuer à faire du vélo pendant longtemps. En fait, c'est aussi ça le problème parce qu'en Suisse, on n'a pas vraiment une salaire comme un. Oui, quand on travaille dans le domaine du sport, on n'a pas vraiment un salaire qui aide à vivre seul. Et donc, je crois que c'est aussi ça très difficile parce que tu n'es pas Roger Federer ou, je ne sais pas, Cherdan Shaqiri qui a vraiment la possibilité de vivre de ça, je crois, ou je me Oui, trompe. exactement. Exactement. Et c'est vrai que lorsqu'on est jeune, c'est pas forcément un problème parce qu'on a nos parents qui nous aident et on pense pas à ça. Mais pour prendre mon cas personnel, j'ai 23 ans, bientôt l'année prochaine j'ai 24 ans. Et c'est vrai que j'arrive à un moment donné de ma vie où il faut que je puisse avoir un vrai salaire. Et c'est vrai que là, c'est en vélo. Là, en Suisse, on n'a plus d'équipe professionnelle. On a route à cross qui va être continentale. C'est la troisième division mondiale. Et ce qui est complexe, c'est qu'on se retrouve sur des courses à côté d'équipes professionnelles. On est sur la même course que les professionnels. Alors, on est obligé de vivre comme un professionnel, de s'entraîner comme un professionnel pour avoir des résultats. Mais on n'a pas le salaire. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et en Suisse, on a moins cette mentalité pour aider le sport. Dans le sens, comme tu dis, si tu es Roger Federer, là, tu vas trouver des contrats de sponsoring à des millions de francs. C'est plus facile. Mais par exemple, pour prendre l'exemple du vélo, l'équipe suisse romande, c'était un privé, quelqu'un qui donnait de son argent personnel pour faire cette équipe. Mais c'est toute une autre chose, il n'y a pas de commission ou quelque chose qui. Voilà. Et on se retrouvait, par exemple, on allait faire une course en France, et là, chaque département a sa propre équipe, avec un entraîneur privé, un entraîneur professionnel pour les jeunes, etc. Alors on voit un peu la différence entre les pays, par exemple la France, où l'État aide beaucoup les sportifs, et c'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas ça. Oui, je crois que c'est un peu un dommage aussi. Tu as déjà dit que tu travailles pour la Rode Gruppe ou Rode Across, je ne sais pas. Comment tu les as trouvés ou comment vous avez établi le contact pour enfin travailler ensemble? Alors, comme je l'ai dit avant de l'interview, j'étais chez BMC Développement. Et ça faisait 3 ans que j'étais chez BMC Développement. Et lorsque Rode Gruppe a voulu devenir professionnel, ça devenait très intéressant pour moi parce que j'avais la chance d'avoir une équipe suisse qui devenait professionnelle. Donc, pour moi qui est coureur suisse, je pouvais les intéresser. Et au mois de juin, j'ai fait un très bon résultat sur une course en France. Et là, le chef de Rode Gruppe est venu vers moi et m'a dit, est-ce que tu es libre pour l'année prochaine, etc. Et moi, j'ai tout de suite montré mon intérêt pour l'équipe. Et finalement, ça a été très vite. Déjà mi-août, j'avais signé mon contrat pour l'année suivante. Wow, super. Oui, Et c'est pour c'était un bien. an ou c'est pour combien des années qu'on fait des contrats? Alors, là, vu que j'étais néo-professionnel, c'est-à-dire que c'était la première fois que je devenais professionnel, j'avais un contrat de 2 ans. Ça, c'est le règlement de la Fédération internationale. Ah, ok. C'est la première fois que tu as 2 ans. Après, dans le cyclisme, dans le vélo, souvent, c'est des contrats de 1 année. Et si tu es un très bon coureur, très fort, tu peux signer 2 ou 3 ans. Mais autrement, souvent, c'est 1 année. C'est aussi un peu spontanément à la fin, quand on, si, parce que maintenant tu ne sais pas ce que tu feras en janvier ou Oui, t'es. exactement. Alors, c'est bon pour janvier. En janvier 2018, je ne sais pas ce que je vais À faire, 18, dans d'accord. quelle équipe je vais être. Ouais, exactement. Et c'est vrai que l'on se dit, ah, on a signé 1 année, le contrat il est du 1er janvier au 31 décembre, mais finalement, lorsque l'année suivante tu dois retrouver un contrat, c'est déjà à partir du mois de juillet, août, que tu te dis, ah purée, il faut que je retrouve une équipe. Et ça, c'est très très dur pour la tête, souvent C'est de. beaucoup de pression. Voilà, et à moins d'avoir vraiment un peu de chance ou être un très bon coureur. Souvent, tu signes un contrat en octobre. Alors, c'est vrai que depuis août à octobre, ça passe très, très bien des fois. Oui, je vois. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour progresser ou pour arriver à tes buts ou, comment on dit, ton objectif? Bah alors, j'essaye de m'entraîner, de vivre le plus professionnellement possible. Avec mon entraîneur, on prévoit des entraînements pour généralement les 4 semaines qui suivent par rapport aux courses, au entraînement. Et chaque jour, j'ai des mini-objectifs et des exercices précis. Par exemple, 30 secondes très très vite, 30 secondes de repos, 30 secondes très très vite, 10, 20 fois. Et puis ça, c'est un jour. Le lendemain, je vais devoir entraîner des sprints ou bien des exercices en montagne. Et à chaque fois, il me met là combien de temps pour chaque jour je dois faire. Et puis autrement, quand je dis vivre professionnellement, c'est aussi faire attention à la récupération, à la nourriture beaucoup. C'est quelque chose Ça ne qui est marcherait aussi pas pour dur. moi. C'est quelque chose qui est aussi. Parce que il y a l'entraînement quand on est sur le vélo, mais c'est pas fini quand on descend du vélo. C'est autant important après que pendant. Et Et c'est vrai que il faut aussi que ça, c'est. tu ne te fasses pas de mal ou que tu ne casses pas ton bras ou quelque chose, la jambe. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est. Je pense que la plus grande peur du sportif, c'est de tomber malade ou d'avoir un accident et casser quelque chose. Oui. Wow. Beaucoup de pression. Qu'est-ce que tu fais pour réaliser... Non, qu'est-ce que tu fais si tu ne réalises pas ton objectif ou si tu n'arrives pas à réaliser ce que tu as voulu faire? Alors, je m'énerve. Oui. Et à Non, côté mais de ça... après un objectif, avec mon entraîneur, souvent on fait le bilan. On fait le bilan et on regarde ce qu'on a bien fait ou pourquoi ça n'a pas marché. Si c'est pendant la course, si c'est une erreur tactique, si finalement physiquement j'étais pas assez prêt, si j'étais pas assez prêt parce que je me sentais fatigué ou. Alors, oui, après un objectif, on essaye toujours de regarder ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, et Et de le faire mieux pourquoi? pour la prochaine fois. Oui, c'est aussi un point de vue assez psychologique aussi, pour ne pas seulement voir les points négatifs, mais aussi les points positifs. Qui est ton modèle? Est-ce qu'il y a un modèle, je ne sais pas, un personnage ou est-ce que tu as plutôt un modèle moral d'un point de vue moraliste ou qu'est-ce que tu fais? Qui est ton, disons, modèle? Alors, pour moi, j'ai jamais eu comme modèle les grandes stars. J'ai eu des modèles, des gens que je connaissais, et pour moi, c'est Johan Chope, mon modèle, parce que c'est quelqu'un pour qui ça n'a jamais été facile de retrouver une équipe et qui n'a jamais eu de contrat avec un très très grand salaire. Mais il a toujours travaillé très dur, et finalement, à la fin de sa carrière, il a gagné une étape reine au Tour d'Italie, il a gagné le Tour de l'Utah, et ouais, pour moi, c'est un coureur qui est un exemple pour moi, parce que déjà, il me ressemble physiquement, il est aussi petit, pas très musclé, donc ouais, pour moi, c'était vraiment un exemple d'avoir cette difficulté, mais quand même, finalement, avoir des résultats. C'est intéressant. Et quel est ton tour préféré ou qu'est-ce qui est ton but pour ta prochaine course? Alors, pour moi, la course, un peu de cœur, moi je suis un Valaisan, donc je suis très, très fier de mes origines, de l'endroit où j'habite. Et pour moi, le Tour de Romandie, c'est la course la plus importante parce qu'il y a des étapes en Valais devant les personnes que je connais, qui me soutiennent. Et mon rêve de sportif, c'est de gagner une étape à Verbier, vraiment chez moi, quoi. Que ça soit le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, c'est égal vraiment de gagner une étape chez moi. Donc, de vraiment faire content ton équipe aussi, je suppose. Oui. Oui. Tu sais qu'une fois, la Tour de Suisse est passée par balle, je crois, il y a, je ne sais pas, 10 ans ou plus. Parce que je me souviens qu'il y avait des cyclistes dans la ville. Oui, t'avais été voir. Oui, mais oui, c'est vraiment, il y a, je crois, minimum 12 ans ou plus. Oui, j'étais petite encore. Et quelle est ta course? Ah non, j'ai déjà demandé. Oups. Quel est ton moment préféré pendant une course? C'est le départ ou quand tu arrives au but ou... C'est quand tu gagnes, hein. Non, oui, pour moi, le meilleur moment, c'est le moment où le plus important de la course. Des fois, ça peut être au début pour prendre la bonne échappée. Des fois, c'est vers la fin que ça devient très dur et qu'il faut attaquer. Mais j'aime quand il y a ce stress où tu te dis c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Et ça, c'est le meilleur moment. Mais le meilleur moment de tout, c'est quand tu arrives tout seul et que tu lèves les bras parce que tu as gagné. Oui, est-ce qu'il y a aussi une partie un peu sociale du cyclisme quand on travaille, parce qu'on travaille dans le groupe ou parce qu'il y a un, je ne sais pas comment m'expliquer, mais un groupe qui te soutient vraiment ou le groupe où tu travailles, qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent tes amis ou est-ce qu'il y a un aspect social dans le cyclisme? Oui, alors pour moi, c'est vraiment un point positif avec le sport et le cyclisme surtout. C'est qu'au fil des années, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. Et par exemple, pour prendre BMC plutôt que Rod Grouper, c'est quand même très suisse. Alors, c'est super, enfin, je rencontre par exemple Cédric, qui pour moi maintenant c'est un ami qui vient de Bâle, que j'aurais pas connu autrement. Mais avec BMC, c'était encore plus large, plus grand, parce que dans l'équipe, on avait des Américains, des Australiens, des Belges. Et c'est vrai que certains maintenant sont des amis, pas tous, mais certains maintenant c'est des amis. Et ce qui est aussi super avec le vélo, c'est qu'on voyage beaucoup pour les courses et chaque week-end, on est à un endroit différent. Et puis, alors on n'a pas le temps pour visiter les villes ou prendre le temps de regarder, mais c'est vrai qu'avec le vélo, on bouge beaucoup, on fait des centaines de kilomètres et on peut voir plein de paysages quand on est le jour avant et qu'on traverse le pays avec l'autoroute. On peut aussi regarder, on peut aussi se faire une idée des gens. Par exemple, l'accueil que tu as dans certains pays, il est différent que dans d'autres. Et c'est vrai que ça, c'est super pour se faire un peu une idée de ces pays. Ok. Et quel est où est-ce que où est-ce que tu es allé qui était le plus loin avec le vélo ou à cause du vélo? Parce que vous étiez en Chine, je crois, l'année passée. Alors l'équipe a été, mais moi j'ai pas été. Mais l'année passée avec Road Groupage, j'ai été en Malaisie Ah oui, au ah, mois de février. presque la même chose. La même direction. Après l'année d'avant, j'ai été au Japon. Et puis autrement aussi très loin, j'avais été faire le tour de Guadeloupe. Ok. Alors là, c'était. Alors c'est bien parce que le vélo c'est beaucoup en Europe, les courses importantes sont en Europe, mais il y a de temps en temps justement des courses très loin comme ça en Asie ou en Amérique du Sud, et c'est vrai que de temps en temps aller là-bas c'est super parce qu'on est c'est pas c'est vraiment un autre style de vie et c'est bien de voir. Ah oui, ça me plaiserait aussi de faire des voyages comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison ou oui. Ouais, bah C'est écoute, déjà me la saison? souhaiter. Non. Oui, 16 ans, c'est juste. Oui. Mais c'est déjà maintenant la saison? Non, pas encore. Alors maintenant, on a déjà commencé à s'entraîner. Ah ok. Mais la première course, elle est le 29 janvier. Ah oui, alors ça commence. Ouais, ça commence. Et... Alors, faut me souhaiter de gagner des courses. C'est le mieux que l'on peut faire. J'espère beaucoup. C'est gentil, merci. Mais pour toute l'équipe, et aussi que vous n'aviez pas de trop grands problèmes avec la transition d'un niveau à l'autre. Mais je pense que le staff fait vraiment du très très bon travail et je pense qu'on va quand même rester très professionnel dans la logistique et ça, je pense que non, ça va bien se passer et c'est vrai que le plus beau cadeau qu'on peut faire au staff, comme les mécaniciens ou bien ceux qui organisent des voyages, c'est de gagner une course. C'est ce qui leur fait le plus plaisir. Donc nous, on travaille beaucoup pour essayer ça. Et oui, dans une équipe, le mieux, c'est lorsque un coureur gagne une course. C'est bien pour les coéquipiers qui ont travaillé pour lui, c'est bien pour le staff, pour tout le monde. Alors, bonne chance pour la prochaine saison et beaucoup de trophées et beaucoup des courses gagnées et étapes gagnées. Merci beaucoup.